Chapitre 15e, le Lyonnais. Ce lundi s'annonçait comme une de ces journées mornes dont la météo a le secret. Le ciel était gris foncé et un crachin se mit à tomber au petit jour. Pourtant, Dutilleul ne renonça pas à aller au bureau à pied. De toute façon, il n'aimait pas trimballer sa valise. Il était tôt, mais Patricia, qui avait absolument tenu à travailler ce jour-là, était déjà arrivée. Elle avait un méchant rhume et le nez tout enflammé, mais son humeur, elle, était égale. Au beau fixe même, parce que sa belle-mère avait renoncé à venir pour les fêtes. En fait, cette année, elle avait choisi de voyager aux Antilles. Patricia allait donc pouvoir prendre quelques jours de repos bien mérités. Biard, pour sa part, était rentré à Nancy dès le vendredi soir. Dutilleul avait appris à l'occasion que sa femme ne l'avait pas suivi dans ses nouvelles fonctions. La matinée se passa bien, à part que Mado ne répondait pas au téléphone. La chose ne l'inquiéta pas outre mesure, car cela pouvait lui arriver. Sans doute avait-elle les derniers préparatifs à faire. Quant à Dutilleul, il devait penser à établir son bon de congé, même si Viard était d'accord. Ils avaient tous besoin de se reposer. Vers 10 heures, il eut une belle surprise. Marie-Lise lui rendit une petite visite. Elle était presque jolie et avait bonne mine. Dutilleul fut sincèrement heureux de la voir ainsi. Il prit rendez-vous avec elle pour déjeuner la semaine de son retour. Ils parlèrent ensemble de ses projets. Elle allait reprendre son travail chez Virolex où elle était attendue. Il y avait même une embauche à la clé. Dutilleul pria de toutes ses forces pour que cela marche. Elle lui semblait encore bien fragile, mais c'était une battante. Bellegarde, quant à lui, arriva en début d'après-midi, complètement décomposé. Dutilleul, qu'il connaissait bien, sut immédiatement que c'était grave. Il n'avait jamais vu son second trembler ainsi. Au début, trop secoué, celui-ci ne put prononcer un mot, ce qui l'alerta d'autant plus. Il s'apprêtait à sortir une petite bouteille de cognac quand Bellegarde sembla soudain reprendre son souffle. « C'est Mado. »« Quoi ?» réagit immédiatement Dutilleul. « Plus de peur que de mal, encore que... » Dutilleul se calma. Il était inutile de mettre de la pression sur Bellegarde. Il connaissait son homme. Il était trop bouleversé. « Patricia, appela-t-il par l'interphone, pouvez-vous apporter 2 verres propres ?»« Bien sûr, monsieur. J'arrive tout de suite. » Dutilleul ne pouvait quitter son second des yeux. Il pressentait un malaise. L'autre était sur le point d'étouffer. Alors, sans manière, il se leva, défit calmement le nœud de cravate trop serré, ouvrit le col imbibé de sueur et ouvrit en grand la fenêtre malgré le froid piquant. Il sortit également une couverture du placard et couvrit son adjoint qui reprenait vie peu à peu. Entre-temps, Patricia avait apporté les 2 verres et regardait son patron avec inquiétude. « Dois-je appeler le docteur Michonnier, monsieur ?»« Non, Patricia, ça devrait aller. Voulez-vous nous laisser ?»« Vous êtes sûr ?»« Oui, oui, Patricia, ça va aller. » »« À la réflexion, trouvez-moi donc Rosier. » « Tout de suite, monsieur. »« Tu devrais moins serrer tes cravates. »« Ça va mieux, chef, » dit Bellegarde, les larmes aux yeux. « Seulement, je ne sais pas comment vous l'annoncer, chef. »« Bon, ben voilà, Mado a dérouillé. Elle est à l'hosto. »« C'est Cambrésy qui m'a prévenu. »« Où est-elle ?» dit Dutilleul le plus calmement qu'il put. « On l'a dirigée sur Saint-Antoine. »« Je vais la voir tout de suite, » dit Dutilleul en saisissant sa veste. « Tu rentres immédiatement chez toi. Je ne veux pas te voir avant lundi prochain, compris ?»« Vos congés ?»« Annulés. Ce n'est pas grave. Mado passe avant tout. Puis tu ne voudrais pas que je loupe le salaud qui a fait ça. » »« Surtout qu'il ne s'est pas arrêté là. Il a proprement ravagé l'appartement. »« Ça, ce n'est rien, Bellegarde. Ce n'est que du matériel. Rosier va te ramener et tu te reposes. J'ai encore besoin de toi, mais dans cet état, tu ne m'es pas utile à grand-chose. » Dutilleul était si ému qu'il ne remarqua même pas qu'il venait de tutoyer Bellegarde pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient. Dutilleul ne fut guère plus long à se rendre à Saint-Antoine. Il dépassa rapidement les urgences toujours aussi encombrées. Il se fit indiquer la chambre de Mado par le cerbère de service, qui ne vint à récipiscence que lorsqu'elle vit sa carte de police. Mado reposait dans une chambre à 2 lits dont, heureusement, le second n'était pas occupé. Elle était couverte de bleu, et Dutilleul aperçut même quelques bandages. Elle tenta bien de sourire, sans grand succès toutefois. Le cœur de Dutilleul se serra fortement dans sa poitrine. Il vint s'asseoir à côté d'elle, mais ne put que constater les dégâts. « Il t'a bien arrangé ?» constata Dutilleul. « Non, ne parle pas. Le Lyonnais, n'est-ce pas ?»« Que s'est-il passé ? Tu n'avais pas droit à des vacances, c'est ça ?»« Tilleul, pas maintenant. Il le joue, ton violent ? Ne t'en mêle pas. Tu sais que c'est impossible, surtout dans cet état. Bah, ce n'est pas si grave. Mon nez n'est pas cassé. Ce ne sont que des bleus, au final. » Ce n'est pas comme cela que j'envisageais nos vacances. Tu sais, mon tilleul, avec un petit calmant, je serai en état de voyager. Non, pas avec tes côtes cassées. Je ne veux prendre aucun risque. Bellegarde m'en voudrait trop. Il a déjà frisé la syncope en te voyant. Ne te fais pas de mauvais sang pour moi, mon tilleul. Tu te compromets déjà assez en passant boire. Du tilleul la regarda dans les yeux. Je m'en moque complètement, Mado. Je t'aime. C'est tout. Je me dois d'être là. Tu es chic, mon tilleul. J'espère que demain je pourrai rentrer chez moi. Chez toi ? Ma pauvre, il n'y en a plus. Il a tout massacré, ton Lyonnais. Oh zut, moi qui venais tout juste de refaire le papier. Je sais, mais ce n'est pas le plus important. Je peux tout faire refaire à l'identique, si tu le veux. Ce n'est pas juste que ce soit toi qui paies, mon tilleul. Mon plaisir, ok. Tu ne m'as jamais demandé grand-chose, alors. Mettons que c'est un extra. Malgré tout, je veux avoir ce salaud, Mado. Je n'ai jamais supporté les cogneurs. Tu m'entends, je le veux. Ne nous disputons pas, mon tilleul. Il descend toujours à l'hôtel du jour, du côté de la gare de Lyon. Il arrive généralement le lundi et repart le jeudi. Je ne savais pas qu'il serait là pour les fêtes. Il a une femme et trois très beaux gosses. Donne-moi son nom. Ce n'est pas parce que je suis dans le cirage qu'il faut me faire la totale, tilleul. Crois-moi, Mado, ce n'est pas de gaieté de cœur. Mais si tu avais vu Bellegarde tout à l'heure, tu me comprendrais. Puis, je te le dis et je te le répète, je ne veux pas qu'on te cogne. Tu es démodé, mon tilleul. Aujourd'hui, c'est très tendance. C'est peut-être tendance comme tu dis, mais moi, ce n'est pas mon truc. Hector Berlièz, il est représentant en lingerie. C'est comme ça que je l'ai connu. Ne sois pas trop dur avec lui. Je crois que sa femme a un amant, c'est ça qu'il flingue. Merci, Mado. Tu as besoin de quelque chose ? Non, ça va aller. Tu as mal ? Un peu, mais ça va. Alors repose-toi. Pour l'appart, je m'occupe de tout. Je ne veux pas être SDF. Crois-moi, même comme cela, je ne te laisserai pas dans la rue. Arrête. Tu sais très bien que ça me fait mal de rire. Pardon, Mado. Dutilleul passa voir Bellegarde en fin de journée. Celui-ci était encore bien secoué, mais tentait de faire bonne figure, tant bien que mal. Il avait vraiment eu la frousse. Comment va-t-elle, chef ? Pas trop mal, grâce à vous. Vous savez de qui il s'agit ? Maintenant, oui. On se le cuisinera à votre retour. De toute façon, il est reparti, et j'ai bien envie de le laisser mariner dans son jus. Merci, chef. C'est sympa de votre part. Vous le méritez. Tiens, quelques couleurs vous reviennent. J'ai eu très peur, chef. Mado. Moi aussi. Je peux vous l'avouer maintenant. Mais que va-t-elle faire ? Pour l'appartement, je veux dire. C'est un vrai massacre. Vous n'avez pas vu, mais moi, j'ai franchement cru qu'il l'avait buté. N'y pensez plus, voulez-vous ? Puis si cela peut vous rassurer, elle n'est pas à la rue. Vous la prenez chez vous, chef ? Oui, et si vous voulez le savoir, ça ne me pose aucun problème de conscience. Pardonnez-moi, chef, mais ça va jaser sec. Je l'espère bien, dit Dutilleul avec un petit air malicieux. J'imagine Viard me faisant des remontrances. Bellegarde sourit lui aussi à cette idée. Je peux reprendre demain, chef, si vous voulez. Je sais, Bellegarde, mais je ne le veux pas, même si Patricia n'est pas là. D'autant plus, alors. Bellegarde, comme l'a dit Mado, je suis grand, je peux prendre soin de moi tout seul. Je sais faire fonctionner la bouilloire. Alors reposez-vous. C'est dur ce que vous me demandez. Je sais que vous détestez cette période, être en tête à tête avec vous-même. Ça va aller, Bellegarde. La semaine fut toutefois fatigante, car Dutilleul dut installer Mado à l'appartement. Cela n'alla pas sans mal, car elle était bien amochée. Si elle fut choquée de découvrir un appartement pratiquement vide, elle eut le bon goût de ne le mentionner à aucun moment. Tout ce qu'elle releva est qu'il était grand, situé dans un très bel immeuble en pierre de taille, datant de la fin 19e. Elle nota également qu'il était très propre. Il se composait d'une belle chambre, d'un bureau bibliothèque, seule pièce que son occupant avait décidé d'habiter un peu. Il y avait une immense grande salle à manger et un très beau salon, dans lequel trônait littéralement un magnifique canapé en cuir gris et une chaîne Hi-Fi dernier cri. Elle nota en revanche qu'il n'y avait qu'une minuscule télé qui ne devait pas servir souvent. Son tilleul n'avait pas l'air d'être un grand cinéphile, pas de magnétoscope ni de lecteur DVD, ce qu'elle regretta un peu. Puis, dans le salon, elle tomba en arrêt devant deux clichés encadrés avec soin. L'un représentait une très belle femme dont les traits l'attrahirent immédiatement. C'était très certainement la mère de son tilleul. Elle faisait vraiment très classe. Elle souriait de façon convenue à l'objectif, ce qui était dommage. Ce n'était pas le portrait d'une femme heureuse, se dit Mado. Dommage. La seconde était une photo d'identité un peu floue et jaunie. Elle représentait une jolie jeune fille très souriante aux somptueux cheveux noirs. Elle respirait le bonheur. Cela crevait les yeux. Toutefois, Mado jugea préférable de ravaler ses questions. Son tilleul était déjà bien bon de la faire pénétrer dans son univers, et elle lui en était reconnaissante. Mieux valait toutefois ne pas pousser sa chance. Si son tilleul avait envie de lui parler, il le ferait, sinon... Elle eut droit à son réveillon de Noël. Certes, avec retard, puisqu'elle n'était sortie de l'hôpital que le 26 décembre au matin, mais tout de même... En revanche, elle avait dédaigné le piteux festin offert par l'assistance publique. Son tilleul fut plein d'attention. Il avait finalement commandé un repas complet chez un traiteur et la regardait manger comme si ce seul spectacle le nourrissait lui-même. À chaque bouchée, elle proposait bien de partager, mais son tilleul lui parut soudain fatigué. Elle sentit qu'il avait simplement besoin de tendresse, rien de plus. Elle était très forte pour ressentir ces choses-là. Elle savait qu'il avait eu très peur, même s'il ne l'avouerait jamais, et que son intrusion provisoire était un grand bouleversement pour lui. Il faudrait aussi qu'elle le pousse à manger un peu. Elle pouvait mitonner tout à fait correctement quelques plats, certains même très raffinés. Une fois de plus, elle se dit combien elle l'aimait, qu'elle avait eu énormément de chance de le rencontrer. C'était un gentleman, rarement anglais qu'elle connaissait. Dutilleul, ne partant pas, annula ses vacances. Ainsi, il n'était pas constamment sur le dos de Mado, qui, de toute façon, avait vraiment besoin de se reposer. Elle devait souffrir bien plus qu'elle ne le disait, car il l'entendait pousser de petits cris la nuit, quand elle se tournait dans le lit, cherchant une position plus confortable. Curieusement, elle s'était très bien intégrée à son univers. Madame Ortiz, la femme de charge, était passée une fois dans la semaine et avait eu le bon goût de ne poser aucune question. Mieux, elle avait tout naturellement aidé Mado à se laver les cheveux. Elle avait également confectionné deux repas. Dutilleul se sentait finalement assez détendu. Au bureau, il n'y avait rien de saillant à part le renforcement des mesures de sécurité dans les grands magasins. Après toutes ces années, il connaissait la chanson. Comme il n'avait guère d'activité, il accepta de bonne grâce l'invitation à déjeuner de Charles Mercier pour le jour suivant.